Auto. Speaker. Photo. Casque. Départ. Drapeau. Chrono. Premier, freiner, virage, pencher, frôler, ouvrir, contour, lever, foncer. Risquer, passer, lutter, ne pas casser, frotter, chuter.